بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس السادس وعشرون. 26e leçon. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سندخل في الدرس الثالث عشر من الكتاب كلا تخزيم لسون الليف من الوحدة الحادية عشر باللونزي منيتين بعنوان مناظرة بين بحر ونهر المشهد الأول يعني لسه بتكوى نتفهم مناظرة سي ان ديبا ان اشانج فاس ا فاس entre un fleuve et la mer. Yannis, c'est un truc fictif, quoi. Un truc fictif. Ah, la mer, elle parle pas et le fleuve, il parle pas. Tu vois. Au début, j'hésitais à faire le texte. Voilà. J'hésitais à faire ce texte parce que, bon, voilà, quoi. Toute la mer qui n'accache le fleuve. Bon. Comme on a déjà sauté une leçon ou deux, je suis allé, vas-y. Pas qu'on dirait, on va sauter tout le livre. Et puis, j'ai toujours du vocabulaire à apprendre, tu vois, à la baisse. Là, nous, on ferme les yeux sur le truc et on profite des mots, quoi. Parce que même moi, dans ce texte-là, il y a des petits mots qui me posent des problèmes. Naam. Enfin, le mashhad al-awwal, ce serait dans l'exemple, comme genre premier épisode, premier volet ou première partie. Parce que le texte est en deux parties. Je me dis, si jamais je saute celui-là, il faudra sauter le deuxième aussi, ça va faire encore un axe dans le kitab. Ça fait beaucoup de leçons qui sautent. Allez, vas-y, on les prend. À la tariq, à kada. Bien qu'on sait que Allah ala kulli shay'in qadir, qui s'il veut, il peut les faire parler. Tu vois, il va faire parler nos cuisses, nos mains, nos meilleurs qui témoignent contre nous. Donc, faire parler un fleuve, c'est pas dur pour Allah, tu vois, ni la mer. Mais là, dans ce contexte, tu vois, voilà quoi. C'est une créature qui essaie de n'accacher une autre créature. Moi, je suis mieux que toi, ou toi, Adam. Si Allah l'a créé, c'est qu'il y a une sagesse, il y a une hikma, il y a une raison. Naam. Al-Kalimat al-Jadida. Indahara yendahiru. Alors là, indahara. Le mana le plus proche que j'ai pu trouver par rapport au texte, c'est s'écouler. Mais là-bas, c'est s'écouler par étapes. Comme il dit dans le lexique, au sens voulu, moi j'ai trouvé, j'ai compris, c'est s'écouler. S'écouler. Non. Akrab ma wajat ou Allah alam. A'ali, ça c'est les hauteurs. A'ali, les hauteurs. يعني سيظهر المعنى في النص جداول مع جم جدول ça c'est les canaux جم de canal les canaux pour l'eau ثلوج ça c'est les neiges متراكم c'est comment on dirait superposé ou des couches posées les unes sur les autres. Entassement. Hein? Entassé, ouais. Entassement aussi, ouais. Là, c'est plutôt entassé. Un mutarakim, entassé. Jahdun. Mana mashakka. Forme de peine fort insobbu c'est se jeter dans ou se verser dans d'accord se déverser aussi on peut le dire mais là dans le texte en français on dit un fleuve se jette dans la mer. C'est-à-dire se déverse aussi. Ou un sibab, c'est le masdar. تدلى يتدلي يتدلى mais là dans le texte j'ai pas vraiment trouvé le معنى ça c'est peut-être je sais pas il y en a quoi لدنا وتدلى يعني c'est comme si il s'était arrêté tu vois je sais pas c'est alors là dans le texte j'ai pas vraiment pu trouver le معنى المناسب. Hein? Ah, mais dans le texte, ça correspond pas. Al-Yammu, c'est les flots, la mer. Wahidammun, pareil, c'est la mer. Khidammun, pareil, c'est Mana al-Bahar. Afia, la seule sérénité. Comment dire, est-ce que tu prémunis quelque chose d'un mal? Prémunition. Fedel Mana. Mana, Niwasia. Préservation aussi, gars. Oujaj, c'est le côté. Amère d'une chose très salée. Comme la mer. Là, il y a quelque chose de très salé. On pense que ça en est amer. Désagréable à... au goût désagréable. Radaboun Marlouf, la colère. Hiyaj, assez agité. Mouvementé. Par rapport à la mer. C'est bon, bouger dans tous les sens. C'est ça, agiter, mouvementer. Quand c'est lié à la mer, tu dis pas la mer bouge dans tous les sens. Tu dis elle est agitée. La mer est mouvementée. Elle est déchaînée. La falane. Faut peut-être trouver le sens de base. Après, faut trouver le sens spécifique par rapport au texte. Riyah, j'aime de riyah, le vent. Ma'arouf. Da'ilun. Ma'ana, sahir, qalil. Yani, dans le texte, serait plutôt chétif, frêle. Quelque chose de petit, de peu. Mais dans le texte, c'est, tu verras, ça va apparaître. Quelque chose de frêle, de, qui est pas gros, quoi. Thomasa, c'est effacé. Yatmiso. Toms. Habbada. Là, c'est une expression pour dire. En fait, c'est comme un ism ishara. Il y a un ism ishara avec le mot d'avant. On dit hab za. En fait, ça a été mis ensemble. C'est hab za, yani haza al mahboub. Ou hibbu. El muntashira, c'est chose propagée. El munhadir ou munhadar, bah là-bas c'est ils sont moqués de inhadara, mais voilà, j'ai pas trouvé de tarjama. Enfin, de inhadara, on l'a trouvé, mais j'ai pas trouvé le sens munasib au texte. Fasih, quelque chose de très large. Naïm. Qui donne des bienfaits. El Wujudu Manal Koun. C'est l'être présent. Yani Manal Kharq, Shuya, la création, tu vois. Hein? Résistance. Mada? Résistance. Résistant? Existence. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais, l'existence. Hard, c'est la largeur. Hawaïahoui, c'est. Il y a un y refermer une chose, comprendre une chose, l'avoir en soi. Mais là, ils ont dit pour Manaya Skuto. À la base de Hawa Yahoui, c'est ça. Non, c'est plutôt Hawa Yahoui. C'est plutôt Hawa Yahoui. Qui veut dire. J'ai un doute, c'est le ha ou le ha. Le tabassa alayya l'homme. Wa seyroun, machi, le parcours, l'avancée, là, l'essor. Taïf, ça n'a qu'à l'aura, l'en, yakul. Aghazal nahru, yenhadiru, min aali al-jabal. Donc là, quand tu dis Akhaza al-Shay al-Falkaza, c'est se mettre à faire quelque chose. Tu dis Akhaza al-Walad Diabki, l'enfant s'est mis à pleurer. Il y a d'autres verbes comme ça. Yaj'ala, waqafa, il y en a d'autres. Tout ça m'a dit Afal al-Shuru. Afal al-Shuru. Il y a des verbes pour un commencement d'une action. Donc on va dire le fleuve s'est mis à s'écouler depuis les hauteurs des montagnes. Et qui rassemble ses eaux depuis les canaux et les sources. Uyun, c'est le jam de Aïn, on va dire les sources. Ou min al-thuluj mutarakima. Et aussi depuis les neiges entassées, d'accord, et depuis les lacs. Yani, Bouhayra, c'est un lac. Muntashira, dispersé, on va dire. Thumma lam yazal yahwi. Min munhadar, il est munhadar, ou min muadin, il est wadi. Il n'a de cesse de. À dire de. Paraît de. Tomber de. Peut-être munhadar, peut-être c'est des chutes aussi. Allah alam. Peut-être qu'il veut dire des chutes ici. Des cascades. Peut-être c'est des cascades, des chutes. Voilà, là. On dit ce qui apparaît dans. Hein? Donc on va dire entre parenthèses, avec des cascades, des chutes. Hein? On se l'accorde, parce que c'est. Mais bon. Et de vallée en vallée. Hatta wassala ba'd sayt tawilin wa jahdin ghayr qalil ila bahrin azimin fasihin fa ghadhin sabbu fihi insaban. Jusqu'à ce qu'ils parviennent après un long parcours, Saïtouir, ou Jardin Ghel Khalil, et des efforts considérables, on va dire, dans une mer, une grande mer large, étendue. Alors il s'est mis à s'y déverser, à s'y jeter. D'accord ? Ma faune ? Là, c'est comme au début. Ta'akhadha, c'est min al-af'al al-shuru', le verbe de commencement dans une action. ثم قال له بعد أن دنا وتدلى. Donc après lui a dit, après cette approché et comme je dis la tadalla, j'ai pas vraiment vu le manal munasib. Ayuwa al-yam al-khidam al-azim lazalta bi'afiyah wa'ishatuka na'imah radiyah. Donc il dit, oh la mer, les flots, la grande étendue d'eau, on va dire. Là, il lui parle. Tu es toujours prémunis, on va dire, en préservation, ce genre de choses. Et ta vie est en délice et dans l'agrément. Je traduirais comme ça, tu vois. Peut-être qu'on pourrait trouver une meilleure formule, mais je trouve, c'est comme ça que ça me vient, tu vois. L'inspiration me dit ça. Non, s'il y a mieux, vas-y, donne. Bon, t'as compris globalement la phrase. Même si des fois on trouve pas le mot exact, t'as vu, c'est un peu improvisé, la tarjama. Voilà quoi. Faut toujours faire mieux, tu vois, toujours faire mieux. Les gens qui sont plus terrières que moi, qui ont un meilleur français, parce que comme j'ai dit, mon français, bon, longtemps j'ai quitté la France, donc on a pris un coup. Ah, Mishé, t'as compris la phrase. Ya habbaza anta ayu al-bahr. C'est un peu ironique, parce qu'après il va la critiquer, là, il dit, genre, comme s'il disait, oh toi que j'aime, oh toi la mer. Loula anna ma'aka milhun ujajun. وأنك دائما في غضب وإحجاج وحياج. Donc il dit, si ce n'était le fait que ton eau est salée et que tu es tout le temps en colère et agité, tu vois, genre je t'aime mais je te reproche ça quoi, en fait, dans le sens. ثم لا تتحرك إلا إذا دفعتك الرياح. Et que tu ne bouges pas si ce n'est que les vents te poussent. Alors, tu n'es pas capable de bouger si ce n'est par le gré du vent. Tous tes mouvements sont le fruit du vent. Inni la araka tanfa'u fi dunya wa la tanfa'u fi al-akhirah. Je vois que tu ne sers pas à grand chose. On va dire, tu n'es pas utile dans ce bas monde, dans l'au-delà. On dit ça à la mer. Fa ajabahu al-bahr ghadiban. Donc, la mer lui a répondu, irritée, en colère. Waylak, waylun lak, malheur à toi. Dans le sens. La ta'lifu l'nafsika qadran, wa la tudrika mimma fil wujud amra. Donc il dit, tu ne connais pas ta valeur. Tu vois. Tu ne connais pas ta place, en quelque sorte. Et tu ne comprends pas les choses de l'existence. La création. Ma anta ayyuha al-majra. الدائل الذي له طول وليس له عرض. Tu n'es que, c'est bizarre, on dirait qu'il manque un mot. Là, le mal, si c'est un nafié, il faudrait un adat l'istisna, il faudrait mettre illa. Ma anta ayyuha al-majra illa al-dayl. الدليل الذي له طول وليس له عرض. لا المال جاي باس انا سي كوا كوم كوم سي تو ني كان ايكولمون فريل سي ان بيتيت ايكولمون tu vois, celui qui est long mais qui est fin, t'as pas de largeur, t'es long c'est vrai mais t'es tout fin en sens. والذي له شتة qui dit, celui, si moi je voulais, je l'effacerais, je le radiquerais d'existence. Dans le sens que là-bas, les gens, la mer, si elle recouvre, là, ça n'existe plus, tu vois. Tellement elle est grande. C'est ça qu'elle veut dire. Tu vois, l'eau chez tout, c'est l'eau lâchée à Allah, plutôt, tu pourrais dire, tu vois. ثم سكت المتناظران ساعة يستعدان للمشهد الثاني من المظاهرة مناظرة عفوا من المناظرة donc ensuite les deux se sont tus مناظرتان c'est les deux qui débattent se sont tus pour se préparer à reprendre le deuxième épisode on va dire deuxième partie donc voilà du débat نعم comme je te dis bon t'as vu le texte, il est pas, voilà quoi, il est pas très très motivant. On va peut-être prendre le tadrib al-awwal, fais voir, attends. Il y a combien de, ouais, pas beaucoup. Allez, tadrib al-awwal, yaqul, ajib asilatil taliya ou al-atiya, min ayna akhadha al-nahr Yen Hadir, d'où est-ce que le fleuve s'est mis à s'écouler? Min A'al Jibel, n'am. Min Aina Yajmaou El Nahr Ma'a, d'où est-ce qu'il rassemble ses eaux? Jadwal ou Ayoun? Min Jadawil ou Ayoun? Wa. Yarhamkallah. Wa. Wa Ayoun. Wa canaux les sources et c'est tout wa zakara ashiya ukhra wa thuluj mutarakima wa al buhayrat muntashira des neiges entassées et des lacs il aina wasala al nahr wa aina sabba ma où est-ce qu'il est jusqu'où il est arrivé où a-t-il versé son eau demande où il est arrivé. Il est où il est arrivé? Il est au Bahre Fasih. N'am. Et il dit, et où est-ce qu'il a versé ses eaux? Il est au Sibab. Non. نعم في البحر بماذا وصف النهر البحر comment est-ce que le fleuve a-t-il décrit tu qualifies la mer ça va, il était gentil avec lui. متى يتحرك البحر؟ متى est-ce que l'eau ou la mer bouge؟ الرياح إذا حصل الرياح أيوة إذا ضربتها أو ضربته الرياح. هل توافق النهر في رأيي؟ ها؟ دفعت. ماذا؟ دفعت. وما؟ إلا إذا دفعتك الرياح. Oh, tu peux le dire. Vous êtes d'affaire à travers les rires. Non, c'est d'affaire, défendre. D'affaire, la voix de faire. هل توافق النهر في رأيي عن البحر وأنه لا ينفع في الدنيا ولا في الأخرى؟ لماذا؟ Est-ce que tu es d'accord avec le fleuve dans ce qu'il dit lorsqu'il dit que la mer ne sert à rien, quelque sorte, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Là, tu vois, Fiko. Et pourquoi? Olimada. Hein? Non. Non. Non. بماذا أجاب البحر على النهر؟ Par quoi la la mer a-t-elle répondu au fleuve? ماذا؟ Qu'est-ce qu'il a dit le fleuve ou la mer plutôt? يعني عدم إدراك عدم معرفة لقدري وعدم إدراك الأمر في وجود. ماذا الذي يستطيع البحر أن يفعله للنهر؟ Qu'est-ce que la mer peut faire subir au fleuve؟ La mer peut faire subir le fleuve. Qu'est-ce que la mer peut faire au fleuve? Qu'est-ce qu'elle peut lui faire? De quoi la menacer à la fin? يعني البحر يستطيع أن يطمس النهر تمسا ويمحو لو هذا que peut le faire disparaître بمشيئة الله وبقدرة الله. Sans quoi la mer elle ne peut rien faire d'elle-même. طيب التدريب الثاني يقول املاء الفراغات فيما يلي بما يناسب من الكلمات. Donc tu combles les trous suivants avec les mots. الغضب الوجود الخدم من عالي عرض جهد يطمس الثلوج متراكمة ينحدر. طيب ما نحتاج نعيد المعاني قد أخذناها في البداية. أولا أحب منظر الماء حذاء أو حباذا وهو من أعلى إلى أسفل. Donc j'aime يعني la vision de l'eau et il est là, il y a le mot à mettre de haut en bas. Oyendahiro. Oyendahiro. C'est ça, je crois. C'est les cascades, hein, c'est les chutes. Hein. C'est cool de... C'est ça. Et Mouna Hadar, je crois que c'est les cascades. Hein. Les chutes. Fanyen. T'as le trou au premier. Yufkido al-Ahmak Akla. Amma al-Akilu. Fayakzimo. Raïda. Donc. Et un truc qui fait perdre la raison, on va dire à l'idiot, alors que le raisonné, le sensé, lui retient sa colère. La radab. Ma colère. Falithan, al-Thuruj, après tel trou, al-Jibali, fils Souaïsira. Tajzibu al-Nasa lil-Tazahruk. Je connais pas ce mot. Aleha. Nam. Les neiges entassées sur les montagnes. En Suisse. Ah, sinon, c'est pour skier, je crois. En Suisse, attirer les gens. Pour skier, je pense. C'est Tazahruk. Rabihan. Al-Mar'i. En Yabdoula. Après, t'as le trou. Fitarab al-Ma'arifa. Indique que la personne doit se dépenser, dans la recherche de la connaissance. Naam. Jahdan. Là, on écrit Jahdan. Des efforts. Khamisan. Da'a Moussa anna Allahu ala amwal. Al-Usati min Koumi. Que Moussa a invoqué Allah qu'il les biens des désobéissants de son peuple. Yatmes. Yatmes salamu alihim. Wajdud ala kulubim. Ani qui ne croit pas, hatta yaroun azab al-alim. C'est ce qu'il voit le châtiment dur. طيب سادسا الجنة أتلتخو كعرض السماوات والأرض الفاسد سوى très facile. Ard, tout simplement, tu répètes le mot. Hein? Ard. Tu remets le même mot. Indique que le paradis est une largeur équivalente à celle des cieux de la terre. Wassali'u lima'firatin min rabbikum wa jannatin arduha kas. Arduha, ardu samawati wal ard, udat muttaqin. C'est le mana. Arduha samawati wal ard. Et accourez vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur équivaut à celle des cieux de la terre, préparé pour les pieux. Sabihan min, après t'as le trou, al jibal tanhadiru as-suyul wa tazoub. Donc depuis quelque chose des montagnes, les écoulements se versent, s'écoulent. Et fonde, il y a quelque chose qu'ils font. C'est quoi qu'ils font? Naam. Depuis les hauteurs des montagnes se versent les écoulements et la zoub, là s'effondre. Ah, la thalouj. Dhaba yadhubu, s'effondre. Thaminan, tajli al-sufun fi mayahi al-bahr. Que les bateaux, on va dire, voguent sur les eaux de la mer. في ماذا؟ في الدم. نعم. C'est les flots qu'on dirait, les flots en fait. تاسعا هذا أبطل الترو مملوء بالأسرار التي يكشف عنها الإنسان يوما بعد يوم. وصل إلى كلامه. هذا ماذا؟ هذا الوجود. Cette existence est pleine de secrets que l'homme découvre jour après jour. طيب الثالث أجيب كما في النموذج réponds comme dans l'exemple. النموذج يقول النفع الدنيا والأخرى. T'as trois mots, l'utilité, le bas monde et l'au-delà. C'est devenu إني لا أراك تنفع في الدنيا ولا في الآخر ولا في الأخرى. Je vois que tu ne sers pas ni en ce bas monde ni dans l'au-delà. عليك بنفس الشيء مع الجمل آتية العمل المزلعة المصنع. Le travail, le champ et l'usine. Ouais, je ne travaille pas ni dans les champs ni dans l'usine. Al-Julus ou Al-Bait Al-Maktab. Non. Je vois que tu ne t'assieds pas ni dans la maison ni dans le bureau. Al-ishtirak, al-riyada, al-thaqafa. Yani participer dans le sport et dans la culture. Al-thaqafa. Je te vois que tu ne participes ni au sport ni à la culture. الاهتمام الصحة الدراسة. C'est le fait de donner l'importance aux études et à la santé. تهتم. ستهتم. أيوة. يهتم. يهتم مصدر اهتمام. الصحة ولا في. لا. Madame, enfin, tu ne donnes d'importance ni à la santé ni aux études. الكتابة شقيقة شقيقك صديقك. Kitaba, Shakikak c'est ton frère de sang, et Sadiqak c'est ton ami. Donc, tu n'écris ni à ton frère ni à ton ami. Al-intibahu usratuka wajibatuka. Porte attention à ta famille et à tes obligations, tes devoirs. Ça serait plutôt Allah. Tantabi Allah. Je vois que tu ne fais pas attention ni à ta famille ni à tes devoirs. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Ça va la rafia. Tayeb. Arabia, istardim. Hein? Tu peux être plus loin? Tawakof taouna? Khalas, ça ne tawakofuna, inch'Allah. Vas-y. فهمت النص؟ تكون كل التكست؟ ها؟ Mais moi, il m'a un peu. Je l'ai laissé. J'ai essayé de faire comme je peux. Après, t'as vu, c'est des fois, c'est dans l'avancée que tu te comprends. Au début, je cherchais Mounhader, Mounhader. En fait, t'as pas que c'est des chutes, quoi, en fait. Une cascade, hein. Allah alim. Mais dans le Marana Lorawi, c'est pas ça que j'ai trouvé. C'est un lieu où les gens ils se rassemblent. J'ai pas compris le lien, tu vois. Mais ce qui apparaît à Allah alim, c'est les chutes, les cascades. تمام عزيز والحمد لله رب العالمين مع التحية دمام أفاق.com